On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole. On a la parole sur Radio 2. On a la parole. Et on va la garder, la parole. Yes. Sur Radio 2, 89.5. Asile de nuit, featuring Anne et Floire. Liberté. Radio 2, sur 89.5, c'est loin d'être idiot. Ça remplit plein les oreilles. Rock. Liberté d'expression. On tchatche, on tchatche, on tchatche. On parle, mais la musique est là, au centre. Et on écoute. On écoute. On a la parole. On écoute. On a la parole. Sur Radio Dio 89.5. C'est à Saint-Thé, ça. C'est à Saint-Thé. Exactement, à Saint-Thé, avec la nef et l'asile de nuit. Saint-Thé, mon petit Paris. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bienvenue dans On a la parole, première édition de cette saison 2022-2023. C'est un petit peu ambivalent puisque je suis à la fois extrêmement content de lancer cette nouvelle saison avec vous et en même temps avec un petit pincement pour bien sûr ces situations compliquées du logement. Décembre, c'est aussi la journée mondiale des personnes migrantes, c'est le début de la neige, c'est des situations qui sont extrêmement compliquées quand on a des problèmes de domicile qui sont pas stables, mais c'est pour ça que je suis aussi très content de retrouver l'asile de nuit et la nef, donc en direct de cette émission sur Dio. Et c'est Xavier, entre autres initiateur du projet, qui va ouvrir le bal aujourd'hui. Salut à toi. Salut, salut, bonjour à toutes et à tous qui écoutez. Et ben ça fait en effet vraiment plaisir de se retrouver. Donc cette aventure démarre il y a déjà maintenant 2 ans, avec d'abord une asso, puis 2, puis 3. Qui accompagne des personnes qui connaissent des situations de précarité. Donc on a l'asile de nuit qui est un centre d'hébergement entre autres avec d'autres missions, Triangle qui est un accueil de jour qui aujourd'hui sera pas représenté mais qui est bien porté sur ce genre de projet, et la Nef Loire avec son service logement hébergement. Donc le projet en effet c'est toujours On a la parole, on est sur une deuxième saison et cette année on sera parti pour faire 3 émissions jusqu'à l'été prochain. La première, on l'a travaillée à partir de la nef. La deuxième, on la travaillera à partir de l'asile de nuit. Et la troisième, ce sera avec l'espace rencontre, on espère, de Triangle, avec un peu une conclusion en apothéose où on en a déjà parlé. On voudrait inviter les gens qui nous sont importants pour partager un instant convivial autour de Radio Dio qui nous accueille pour cette initiative. Alors avec l'expérience, on construit les séries et les saisons finalement un peu comme HBO et Netflix. On commence par une petite présentation et puis on finit en apothéose, c'est qu'on a compris le rythme, n'est-ce pas ? Mais on va commencer bien entendu par donner la parole rapidement et un tour de présentation à chaque personne ici présente. Bonjour, bonjour, bonjour. Et bonjour. J'y vais vous raconter une histoire d'une musique qui est née au Cap-Vert. Bonjour, toi c'est José du coup ? José. José, enchanté. À côté de toi, il y a... Aliou, bonjour, je m'appelle Aliou. Je suis animateur culturel et je suis très content de retrouver tout le monde ici, comme tantôt janvier l'a dit, pour une nouvelle émission pour ce qui est de cette année. Et en même temps de parler de musique et de tout, et ravi d'être là. Merci. Bonjour, moi c'est Léa. Donc c'est ma première fois à On a la parole. Je suis très contente d'être ici. Merci. Et ouais, j'ai hâte. Bonjour, je m'appelle Valéria. Je suis ukrainienne. Et pour moi, c'est première fois dans la radio. Enchantée. Bonjour, je suis Sandy, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les copains qui sont là autour de la table. Donc je suis travailleur social au sein de l'association Anne et Floire, je travaille en faveur des personnes déplacées d'Ukraine. Et je suis ici pour vivre une expérience nouvelle, partagée avec les personnes qui sont là et tous ceux qui nous écoutent. Bonjour, je m'appelle Polo, je suis de l'asile de nuit et... Et je suis très content moi aussi, c'est pas la première fois que je suis avec Radio Dio. Non, c'est pas la première fois. Et je suis... T'as ton nom sur ta chaise, Polo. En plus, t'es toujours assis à la même place. J'ai peut-être pas mon nom sur ma chaise, mais je tourne pas un film. Mais je suis content d'être là avec les gens qui m'entourent. Et bonjour, moi c'est Sophia, je suis travailleuse sociale à l'asile de nuit de Saint-Étienne du coup, et je suis très heureuse d'être ici parce que déjà j'aime beaucoup Radio Dio et que je suis contente d'être là pour écouter et partager. Alors on va directement passer sur une écoute de la personne qui nous a proposé le nom et qu'on a accepté avec joie, en la personne de Nasser qui est pas là aujourd'hui, mais qui est impatient aussi de revenir sur la prochaine pour faire un peu la promotion de ses créations. Et donc on va écouter donc Nas Vegas, et la première chanson du coup qu'on va écouter aujourd'hui c'est Nature. Spéciale dédicace à Nasser. Le soleil et la lune, je prie pour avoir de l'oseille, donc de la thune. J'ouvre la tête, je vois les astres, je baisse la tête, je vois le désastre. Si je pense, donc je suis, ça c'est des cas, plastique, bouteille et carton, tout ça à la mer. Notre terre, mère, note bien tout ce que t'as à faire pour sauver la nature mère. Les animaux ont beaucoup moins de place, les bulldozers les menacent, évidemment. Ils ont peur de l'homme, on cherche des gisements de diamants pour la femme. La fin de la planète, ou l'appétit du magot, ou la soif de l'or. L'homme est sage que quand il dort, je n'ose plus sortir dehors. T'es d'accord? Les politiciens signent des accords, mais ils s'en foutent d'abord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la mort. Des moutons pour travailler, à coups de lance-pierre. Et frère, je fais la prière, et j'irai pas travailler pour une misère, ni pour un émissaire, rien qu'à voir ce que font les ministères. La nature nous surveille, elle veille au grain, la nature se déchaîne. Elle peut nous surprendre le lendemain. La nature se rebelle, elle peut s'échaîner aujourd'hui ou demain. La nature nous surveille, elle veille au grain. La nature se déchaîne, elle peut nous surprendre le lendemain. La nature se rebelle, elle veille au grain. Elle peut s'échaîner aujourd'hui ou demain. Être écolo, je dis mes ordures, je suis pas Nicolas Hulot, que je pars à l'aventure, en stop ou en voiture, ce que je vois à travers le hublot, l'immensité de la nature, ce que je vois à travers mon cerveau, les dégâts de l'homme sur la nature, naturellement, c'est pas grave, on pêche des tonnes de poissons, l'homme est un poison, j'en ai un soupçon, manque de saumon, thon, baleine, et cachalot, souvent pour servir les labos. La nature nous surveille, elle veille au grain. La nature se déchaîne, elle peut nous surprendre le lendemain. La nature se rebelle, elle peut déchaîner aujourd'hui ou demain. La nature se surveille, elle veille au grain. La nature se déchaîne, elle peut nous surprendre le lendemain. La nature se rebelle, elle peut déchaîner aujourd'hui ou demain. J'parle pas encore des guerres, des bombes ou des missiles. Je vais pas faire de l'ombre aux industries, aux usines. On a tous une part de responsabilité. On s'en fout tant que les oiseaux vont immigrer. Des lions en cage, des tigres domptés pour des spectacles. Des millions en cage pour des safaris spectacles. Les défenses des éléphants, ce n'est pas qu'un élément. Quel trophée, j'en aurais honte d'avoir ça chez moi. Si tu veux un plan, je te fais un schéma. La nature nous surveille, elle veille au grain. La nature se déchaîne, elle peut nous surprendre le lendemain. La nature se rebelle, elle peut se déchaîner aujourd'hui ou demain. La nature nous surveille, elle veille au grain. La nature se déchaîne, elle peut nous surprendre le lendemain. La nature se rebelle, elle peut se déchaîner aujourd'hui ou demain. Las Vegas, fan de la nature, de leurs paysages, des animaux sauvages, fini le sage, respecter la nature, c'est elle qui nous nourrit et nous réchauffe. On a la parole, on échange, on apprend et on partage. Et on va commencer le grand tour de partage, justement, le grand tour de parole. Avec cette émission consacrée eh bien, à raconter un bout de soi à travers un morceau, et on va commencer au Cap-Vert avec José. Salut. Salut. Je vais vous raconter l'histoire d'une musique qui est née au Cap-Vert. par un chanteur qu'il s'appelle Zé Espagnol. La musique qu'il a écrite, ça lui fait plaisir de souvenir de son pays et mon pays. Ça m'y tient beaucoup au cœur. C'est une histoire que dépasse mon imaginaire que je ne pourrai jamais oublier. On écoute donc Zé Espagnol. Zé Espagnol. Tu peux le présenter en créole un petit peu peut-être? Non, pour chanter, non. Allez, c'est parti. Ouais. Le morceau s'appelle Natera, comment tu dis? Non, Zé Espagnol. Oui, mais c'est Nyatera. Nyatera. Nyatera. Bon, ouais, si vous voulez, tu vois, que je vous raconte beaucoup, tu vois, je peux vous raconter aussi, tu sais, de la musique, tu vois, qu'elle a fait, tu sais, comment ça me tient vraiment au cœur, quoi. De la musique qu'elle a fait, parce que la musique, tu vois, qu'elle a fait, tu vois, c'est la musique pour son pays, tu vois, qu'elle a fait. Et lui, il est né en Espagne. Radio Dio, Natera, Zé Espagnol. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Eh ben ouais, alors il faut quand même décrire pour les gens qui n'ont que l'audio, mais la petite démonstration de mouvement, je pense qu'il y a des moments ça zouk. avec José. Attention, hein, il y avait le petit mouvement d'épaule. Ça zouk effectivement assez souvent avec José à l'asile de nuit. On a vu ça cet été, dès qu'il y avait un rayon de soleil dans les escaliers, dès que c'est José qui descend, ça zouk. Ah ben on est tout de suite, on est loin de la partie neigeuse de notamment de cette émission là. Ouais, et puis on va enchaîner avec du soleil aussi à nouveau là d'ailleurs. Eh oui, on va rester encore un petit peu sur la côte en Afrique. Là, on va écouter un petit peu Alpha Blondy. Et puis, c'est-à-dire cette musique, pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'en fait, la version originale a été jouée à l'époque où je suis né. Et la version moderne de remix d'Alpha Blondy aussi, c'est tombé aussi l'année où mon fils est né. Donc c'est quelque chose qui me rappelle pas mal de souvenirs. C'est une musique du début de la naissance, tout ça. Voilà, ça quoi. Donc les deux sont liés quoi. C'est comme ça. C'est une musique de famille. Voilà, c'est une musique de famille, ouais. Ça. Et j'adore bien cette musique. Allez, c'est et parti. J'aimerais bien le partager avec tout le monde ici et les gens qui écoutent aussi quoi. Tu veux passer une petite dédicace du coup en plus? Ouais, je passe une dédicace à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Dio et la famille qui sont ici à Saint-Étienne et tous ceux qui écoutent, toutes les gens de l'Asie de Nuit, la Nef et tout le monde, quoi. You think you can tell? reprise de Pink Floyd par Alpha Blondy sur le 895 I Wish You Were Here. J'espère que je souhaiterais que tu sois là. Bonjour. Toujours ces histoires de présence et d'absence un petit peu. Qu'est-ce qui t'évoque ce morceau du coup, Alio? Parce que ce morceau m'évoque l'absence de mon fils à ce moment-là, que j'ai vu cette période, ça fait depuis un an presque. Je suis là, il est là, mais j'arrive pas à le voir. Ouais. Donc, au vu certaines difficultés administratives et tout ça, donc bon, j'espère que les gens seront là aussi pour que je puisse le voir. Donc, à travers cette émission, qu'on peut en parler un petit peu, échanger des idées, tout ça, pour essayer d'en trouver une solution ou peut-être une piste, quelque chose comme ça. Voilà. Et toi, tu disais, ça fait 9 mois donc, que tu es arrivé à Saint-Étienne, c'est ça? En fait, ça fait un an que je suis là. Ouais. Ouais, ça fait un an que je suis là. Ben, j'étais venu en regroupement familial rejoindre mon épouse. Okay. Mais finalement, au bout de 2 mois après mon arrivée, il y a eu un problème, on a eu une séparation. Ouais. Donc malheureusement, après je me suis retrouvé à l'asile de nuit. Okay. Donc vu mon état de santé, donc je me suis occupé pendant ce temps mon état de santé parce que j'avais fait une opération. Donc avec les démarches et tout ça, donc ça a été un coup compliqué avec le procédure de divorce qu'elle avait entamé. Donc comme je connais personne ici, ben c'est l'asile de nuit qui m'a accueilli. Ben j'en profite pour leur dire un grand grand merci pour tous les efforts qu'ils font pour aider les gens qui sont dans la rue, qu'ils hébergent chez eux. De là où la musique aussi a un sens aussi d'espérer quelque part. Quand tu penses pas trouver quelque chose, il y a des gens qui t'ouvrent le bras pour te dire qu'ils sont là. C'est quelque part, c'est le sens aussi de cette musique-là, d'avoir la présence de ces gens. Bon, qui nous aident un petit peu à nous orienter avec les éducateurs pour pouvoir faire nos démarches et tout ça. Et dans ces démarches-là, je trouvais qu'aussi, j'étais parti pour renouveler mon tour de séjour. Mais ils m'ont demandé des papiers, comme par exemple, je dois faire un justificatif qui prouve que je participe à l'éducation de mon fils que je compte lui. Mais c'est des choses, quand tu fais ça, par exemple, tu es marié, tu as des enfants, tu ne penses pas dans 10 ans tu vas divorcer ou dans 15 ans, par exemple. Donc tu ne gardes pas un justificatif comme une facture ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, ouais. Parce que déjà, il y a les photos qui montrent une vie commune, les bons moments que vous partagez ensemble et tout cela. Donc je pense que cela est plus valorable que par rapport, je ne sais pas, un ticket ou quelque chose comme ça. Pour c'est pouvoir, sûr que... C'est sûr que l'administration, notamment, il y a des moments, c'est vrai que moi, en tant que travailleur social, j'ai souvent des difficultés à accompagner des personnes à la préfecture pour déjà saisir ce que les attentes de la préfecture avec une évolution législative qui est extrêmement rapide et extrêmement complexe. C'est vrai, quand j'entends ton histoire, de justifier finalement d'un amour qu'on a pour ses enfants par un bout de papier avec marqué un certain nombre de dollars dessus, ça paraît un peu fou, en fait, de se retrouver parfois à galérer, pas avoir les bonnes dates, alors qu'on parle d'un bout de papier qui justifie de quoi ? Ça ne parle pas du tout de ce qui est l'humain, mais c'est les obligations en fait législatives et le droit des étrangers en France, là-dessus, est très complexe, avance très vite. Et va fait... devenir de plus en plus complexe. Et ben, en tout cas, ça sent en effet des accompagnements qui sont compliqués, avec une structure sur Saint-Étienne. Tous les Stéphano et les Stéphanoises ont certainement déjà vu les files d'attente devant la préfecture extrêmement longues en plein hiver, avec une qualité d'accueil du coup qui est vraiment, en effet, à l'asile de nuit, ben, tu parles d'un accueil sympa. À la préfecture, en tout cas, c'est vrai que les conditions d'accès, le temps d'attente, l'accueil par des gens qui sont en emploi aidé ou en contrat civique, c'est moi, il y a plein de moments où je me retrouve à me dire, mais comment est-ce qu'on peut accueillir des gens dans ces conditions pour parfois demander en plus des documents qui ne raconte rien, en fait, de la vie. Et puis surtout, des documents avec les parcours qu'il y a, tu gardes pas tes tickets de caisse, en fait, tout simplement. Enfin, c'est aussi à 1000 kilomètres de ce que c'est de vivre, tout simplement. J'imagine que ça a dû être un peu violent comme demande, même, non? Ça t'a fait quoi quand on te demandait une facture, enfin? Ben ouais, moi, au début, j'avais pas compris. J'ai demandé au monsieur qui est là-bas, quoi. Il m'a dit, mais c'est marqué sur le papier. J'ai dit, ben ouais, en fait, c'est marqué. Mais par exemple... Bon, donc il vivait au Sénégal et qu'après on est venu ici en France. Donc même ici en France, je ne pense pas que quelqu'un garde des factures pour dire peut-être dans 10 ans, si je me divorce de ma femme, ben, je dois donner des justificatifs que je participe à l'éducation de mon fils. Je comprends bien que c'est la loi, je comprends, je respecte, mais c'est, parfois c'est un peu compliqué. Si par exemple, tu es séparé de ta femme maintenant, comment faire pour toutes ces choses-là, quoi? Et si je peux rajouter un truc, en tant que travailleur social, c'est hyper difficile dans ce genre de situation parce que bah, les choses ne sont pas forcément claires. Et nous, pour accompagner au mieux les personnes, on essaye de se mettre en lien avec la préfecture et on n'a pas d'interlocuteur en fait. On n'a pas d'interlocuteur, ce n'est pas spécifique à la Loire, hein, c'est partout en France. Et voilà, du coup, si on n'a pas d'interlocuteur, on n'a pas de réponse à apporter aux personnes qu'on accompagne. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça en fait. En tant que travailleurs sociaux, c'est hyper rageant en fait. Ah ben ouais. On va passer à un autre partage et un autre témoignage juste après ce petit jingle. Mes amis, que vous soyez riche ou pauvre, il n'y a aucune importance avec Radio Duo. Et on va se confronter aussi à une autre situation très contemporaine, j'ai envie de dire, de cette année, puisque vous parliez de file d'attente, de préfecture, etc. Valéria, toi, tu es là pour la première fois et tu arrives d'Ukraine. Bonjour à toi. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Valéria, je suis ukrainienne et je suis très triste à cause de la guerre en Ukraine. C'est terrible que beaucoup des hommes, des femmes, des enfants y meurent chaque jour. Les amis qui sont restés en Ukraine et qui sont dans l'autre pays me manquaient vraiment. Je veux leur transmettre mes salutations, avec l'espoir de notre victoire rapide. Slava Ukraine. Merci beaucoup. Et tu as choisi une musique. Oui. Ce que je te propose, si tu veux la présenter en ukrainien, et ensuite on écoute la chanson que tu voulais. Oui, j'aime beaucoup Ocean Elze. C'est ma équipe préférée, équipe ukrainienne. Je voudrais sa musique. Allez, c'est parti. Біля світанні сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра, юних думках, в когось надія, а в когось страх. Похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Стали батьками тільки сини. Бачили сни, і цілували руки брехні за тихі ночі віддали дні. Похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона твоїх. sarebbe sporto. I tam deve slis. Tilke le pula. Stamo me te. Я так не можу, а як зможеш ти? Гілля калин покинилося, мама не тим ми молилися. Скільки іще забере вона твоїх дітей, не твоя вина. Мама, кому ж ми молилися? Скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя вина. Скільки ще забере вона твоїх дітей. Okean Elzy, c'est comme ça qu'on dit ou pas? Je prononce très mal? Oui, c'est très bien. C'est très bien, merci beaucoup. C'est excellent. Et du coup, sur l'article qui ira avec le podcast sur Radio Duo et sur le site de la Nef, je verrai comment la ville de Nuit, si vous voulez, le porter aussi. Mais du coup, je vais présenter le. Il y aura la référence pour aller regarder le clip vidéo qui est assez magnifique. Et si en plus ça peut pomper leur nombre de vues vers le haut, je trouve que c'est super. Parce que finalement, en effet, moi j'avais jamais écouté de musique ukrainienne. Et là j'ai pu regarder un clip vidéo. J'en parlais à Liu là, pendant que ça tournait, en disant il y a un grand cercle avec des gens qui sont hyper intenses sur un fond noir. C'est très très beau. Et donc j'espère qu'il y aura des gens qui auront chopé la référence et qui auront zoné sur YouTube pour aller voir ça. Et on fait la transition du coup avec Sandy. Tu vas, avant de proposer ton morceau à toi, ta petite dédicace aussi, peut-être prendre quelques minutes pour décrire ton poste, puisque tu fais partie de ces gens qui ont des postes qui se sont créés justement avec la situation d'arrivée des personnes ukrainiennes qui fuient la guerre en France et qui se retrouvent à travailler un petit peu, j'imagine, dans l'urgence, dans un dispositif qui s'invente, je suppose. Tout à fait, c'est ça. Oui, j'ai été engagée au mois de juin par la Nef Loire. À savoir qu'il y a 6 associations engagées sur des missions spéciales pour l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine dans la Loire, qui a environ à peu près à ce jour 1200 Ukrainiens qui sont arrivés dans la Loire, en tout cas qui sont répertoriés. Pour ma part, j'accueille désormais 20 familles, j'accompagne 20 familles, et effectivement depuis le mois de juin, j'ai procédé à 20 déménagements, par exemple, pour 70 personnes. Ces 20 familles, ça représente à peu près 70 personnes. Ce sont donc des personnes donc, qui viennent d'Ukraine directement à Saint-Étienne ou qui sont passées par d'autres villes. Saint-Étienne est une ville bien placée en France pour accueillir les déplacés d'Ukraine parce qu'on est une ville pas chère et qui a des logements vides, sociaux vides. Donc c'est ce qui est recherché quand même pour pouvoir accueillir correctement ces personnes. Et donc c'est un dispositif d'intermédiation locative spécialisé en faveur des... Oui, c'est du charabia. Les éduquer leur charabia. Tu nous expliques un petit peu ce petit mot là? Oui. Alors l'intermédiation locative, c'est vrai, c'est un gros mot pour dire sous-location. La Nef Loire et les autres associations louent à leur nom propre les logements sociaux qu'ils sous-louent ensuite aux familles pour donner une garantie en fait aux bailleurs sociaux qu'il va y avoir paiement, sachant que les déplacés ukrainiens ouvrent droit à des droits d'aide au logement, donc peuvent subvenir aux frais liés au logement. Donc voilà, c'est de la sous-location, intermédiation locative, ça veut dire ça. Et ensuite, c'est un accompagnement donc vers et dans le logement, donc concrètement déménagement, hein, des meubles, de l'électroménager, ouvrir des compteurs, etc. Et une fois que ça c'est fait, c'est l'accompagnement global des familles selon les besoins. Donc j'accompagne personnellement beaucoup de familles avec des enfants, mais aussi des gens seuls, de tout âge, qui viennent de tout horizon. Voilà. Et je voulais remercier Valéria pour effectivement la découverte de cette chanson magnifique. Parce que malgré mon travail depuis 6 mois maintenant avec effectivement des personnes qui viennent d'Ukraine, je n'avais jamais écouté moi non plus de musique ukrainienne. Donc merci beaucoup Valéria. Oui. Et effectivement, le clip est magnifique et c'est très émouvant, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est émouvant. Je voulais revenir du coup, ça je trouve que c'est intéressant en termes d'information sur la capacité finalement en France d'accueillir certaines populations quand c'est voulu, parce qu'en effet l'ouverture des droits minima sociaux et compagnie pour que les gens soient bien accueillis, ça a été fait directement et ça peut être en fait que salué. Finalement les gens qui arrivent et qui sont en difficulté, on les soutient et on les reconnaît comme ayant des besoins minimaux en fait qu'il faut combler, et en français avec notamment les APL, les dispositifs RSA, le droit de travail, etc. Et en tout cas on peut aussi pointer que c'est quelque chose qui n'est pas du tout le cas pour les personnes Afrique subsaharienne, enfin les pays du Maghreb ou les pays même d'Afghanistan, Syrie, les gens qui sont arrivés. Qui fuient d'autres guerres. Hein. Alors qui fuient d'autres guerres, mais qui n'ont pas, du coup, selon le parcours, qui n'auront pas de statut réfugié ou protection subsidiaire. Et là, on va entrer dans des parcours extrêmement longs, où par exemple les droits, donc les droits minimaux pour survivre avec le modèle économique français, ne s'ouvrent qu'après un temps d'au moins 5 ans, avec un papier valable à la préfecture. Donc c'est des papiers, parfois il y a des papiers qui durent 2 mois, donc il faut imaginer que parfois à coup de 2 mois, de devoir attendre jusqu'à 5 ans pour ouvrir en fait juste la possibilité d'avoir une aide pour le logement ou un revenu, le revenu de subsistance de base qui aujourd'hui est le RSA, c'est beaucoup de temps à attendre, en fait juste pour de nouveau quelque chose qui est administratif, hein. On revient en fait finalement sur ce qui avait été présenté tout à l'heure par Aliou. Alors que pour les déplacés d'Ukraine, l'État français, en tout cas, il s'est positionné pour les reconnaître avec des pleins droits, c'est-à-dire personne sur le territoire, il faut qu'ils aient de quoi vivre, quoi. Mmh. Donc là, il y a eu un grand respect, en tout cas, pour les... En tout cas, c'est pas parfait, bien sûr, mais il y a eu, en tout cas, quelque chose qui a été mis en branle, mmh, qualitativement. J'ai porté aussi beaucoup de frigos et de gazinières. Et merci, en fait, Xavier. C'est même bien, en fait, d'avoir du matériel qui a été donné, en fait, par des entreprises, hein, oui, pour pouvoir meubler de façon qualitative. Les gens qui arrivent et qui en fait arrivent avec, comme tous les déplacés, hein, avec rien. Et c'est ça, parce qu'au-delà de situations administratives un peu spécifiques, il y a eu beaucoup de dons privés qui... Alors, il y a eu de l'hébergement citoyen, donc ce qui arrive effectivement pas. Alors, j'ai juste une parenthèse, j'ai travaillé avec des réfugiés de toute nationalité par le passé, donc la différence effectivement de traitement, de protection, etc. est flagrante. C'est vraiment un statut spécifique qui est dédié aux personnes déplacées d'Ukraine, qui n'a jamais existé jusqu'à présent, avec des droits très spécifiques. Donc, d'où un défi aussi de tout se construire, en fait, au fur et à mesure, petit à petit, pour tout le monde, j'ai envie de dire. Du coup, c'était quoi? Oui, il y a eu effectivement mobilisation citoyenne avec des dons de particuliers, mais aussi des dons de fondations. Il y a eu une mobilisation particulièrement importante pour cette cause-là, et elle existe encore, hein, cette mobilisation-là. Donc on peut effectivement que l'applaudir, mais on peut aussi se dire que c'est un peu injuste pour tous les autres qui sont arrivés précédemment ou qui arrivent encore d'autres horizons et qui ne sont pas traités de la même manière. Oui, c'est pas pour râler sur ces conditions d'accueil-là, mais c'est vrai que du coup, dans votre travail, j'imagine que ça doit faire des espèces d'entre-deux un peu spéciaux à vivre aussi. Ouais. Tout à fait. Et puis même pour les personnes qui se côtoient, qui viennent de différents horizons. Qui se croisent dans la file d'attente à la préfecture. Par exemple. Voilà. C'est une réalité, c'est une différence qui existe. Après, tant mieux effectivement pour les Ukrainiens, mais c'est relativement injuste pour tous les autres. Et alors du coup, le titre du morceau que tu as choisi fait presque transition. Tu as choisi un grand classique revisité pour l'occasion. Un grand classique revisité. Donc en préambule, je disais que j'étais là pour partager une expérience, rencontrer des gens. Et j'ai choisi Salut à toi, qui est à la base une chanson des Berruriers Noirs. Mais pour être pas trop sauvage dès ma première émission, j'ai pris la version faite par les Ogres de Barbac, que j'aime beaucoup, en live, parce que j'adore les concerts en live, et avec accompagné par l'orchestre du Belghistan. Donc c'est un album enregistré en live, et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc Salut à toi énumère, salut à toi tout le monde, vous allez voir si vous connaissez pas la chanson. Et effectivement, je salue tout le monde de l'autre côté de la radio ici, et ça fait plaisir de partager des choses avec des gens d'horizons très différents. C'est très enrichissant. Salut à toi aussi. C'est le toi peuple khmer, c'est le toi l'Algérien, c'est le toi le Tunisien, c'est le toi Bangladesh, c'est le toi peuple grec, c'est le toi petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, l'éthiopien. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous, les partisans. Salut à toi, la jolie allemande. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Salut à toi, le coréen. Salut à toi, le polonais. Salut à toi, le irlandais. Salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi la France humaine. Salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut aussi aux apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Banda, salut à toi punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Libéria, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Nijambiste, salut le mouvement des jeunes armes, salut à toi le Guatemala, salut le Pékin du contingent, salut à toi le Chocan, salut à toi le Canada. Salut à toi, Jim Kovac, salut à tous les petits dragons, salut à toi, Kiel Chopon, salut à toi, le jeune malgache, salut à toi, le peuple basque, salut à toi, qui est au violon, salut à toi, il mort au con, salut à toi, le Yougoslave, salut à toi, le voyou slave, salut à toi, le Salvador, salut à toi, le Molodoy, salut à toi, le Chinois, salut à toi, le Zaïrois, salut à toi, l'Espagnol, salut à toi, le Ravachol, salut à toi, le Hongrois, salut à toi, l'Iroquois, salut aussi à toi, le Bosse, mais il maudit jusqu'à l'Écosse. Salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut aux filles de peuple corse, salut aux filles du Tragios, salut à toi la vache qui rit, salut à Laurel et Hardy, salut à toi peuple nomade, salut à tous les camarades, salut à tous les mères qui gueulent, salut au Seigneur Brainer, salut à toi le dimanche, salut jeunesse du monde entier, salut à toi, à toi. On ouvre la parole, réveillez-vous. Radio Dio 89.5. T'as vu, c'était ta voix, Polo. Pardon. Non, je suis sûr que t'as bien aimé le morceau qui vient de se passer. Non, ah ouais, les deux derniers morceaux ouais. Que je connaissais pas, ça m'a mis par terre. Des belles découvertes. Ah ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Comment tu vas, toi, alors? Ça va, moi. Ouais. Oui, ça va. Je suis à l'asile de nuit, ça va. J'ai eu des petits problèmes qui sont derrière. Ouais, ça va. T'es au chaud aussi. Ouais. Je me demandais un peu, toi qui en as parlé plusieurs fois dans l'émission, quand même passé un peu de temps dans la rue, qu'est-ce que ça te fait maintenant qu'il y a quand même un endroit un peu chaud, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois la neige, le froid Tu te sens content, tu te sens... La neige pour moi c'est le mois de décembre, c'est une continuation de l'année, mais il faut faire avec, il faut l'accepter, et il faut qu'il y en a, il faut qu'il y en a, comme il faut qu'il y ait du soleil en été. Tout simplement. Tout simplement. Alors tu nous as choisi un petit morceau, toi qui es un peu notre DJ rock'n'roll, on a la parole. Tu nous as fait déjà écouter pas mal de petits classiques au fur et à mesure des émissions. Ouais. Et là, tu as choisi un morceau solo de Gaëtan Roussel, qui était le leader de Louise Attaque. Pourquoi tu as fait ce choix-là? J'ai adoré Louise Attaque. Et un jour, j'ai vu Roussel en solo avec un album fait tout seul, enfin, avec des musiciens. Et je suis tombé sur À genoux. Pour pas dire des gros mots. Celui-là, je l'aurais laissé, t'inquiète pas. Voilà, c'est tout. Ouais. Ça, il m'a pris à fond. Eh ben écoute, je sais pas si tu sais, mais en plus Louise Attaque a été très liée à l'histoire de Radio Dio aussi, ouais. Parce que il y a ça, les premières fois où t'allais rue de l'Éternité là-bas, là, ouais. C'est vrai qu'il y avait un peu un fief, notamment il y a des personnes de Dio qui étaient pas loin des débuts de Louise Attaque et qui ont un peu participé à les lancer un petit peu en France. Donc c'est une belle boucle qui se boucle de rediffuser le poste Louise Attaque sur le 895 de Dio. Merci à toi pour ton choix. On écoute Clap Hands, Gaëtan Roussel, tout de suite. Sur la bouche, dans les yeux, sur le moment, sur la tête si tu veux, sous la mer aussi, amoureux, sous-marin quand on navigue tous les deux, clapés. À découvrir sous la mer aussi, amoureux, sous-marin, quand on divague tous les deux, clap hands. Il y a quand on veut, parfois quand on veut, il y a quand tu m'embrasses, ça me rend heureux. Suspendu à tes lèvres, je passe le temps. Sans dire un mot, j'attends que souffle le vent. Suspendu à tes lèvres qui n'offrent aucun mouvement. Sans dire un mot, j'attends que souffle le vent. Ah, ah. Je passe le temps, sans dire un mot, j'attends que souffle le vent. Suspendu à tes lèvres qui n'offrent aucun mouvement. Sans dire un mot, j'attends que souffle le vent. Souffle le vent. Ah, ah. We'll be right back. On a la parole. L'émission depuis l'asile de nuit, un chez soi d'abord, la nef et la rue, avec et pour les personnes touchées par la précarité. 89.5. Aujourd'hui c'est le diable exerce à tous les fourneaux. Moi qui voulais mourir à genoux parmi les victimes, plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux. Ici homme libre, recherche et cause légitime, en soutien aux victimes et qui sont les bourreaux. Oui, moi aussi je vais donner ma vie à des causes justes. Martyr est un titre que je veux bien. Je n'en peux plus de faire la technique de l'autruche en me répétant que ça ira mieux demain. Ah mais moi aussi je voudrais changer le monde comme toi. Je vois aussi venir de grands dangers. Mais toi qui sais tout, toi qui nous fais la leçon, explique un peu aux pauvres gens comme nous comment le changer. Hein? Quand tu vois revenir tes propres fantômes, ta seule solution c'est de les remettre au placard quoi. Qu'est-ce que tu proposes? De jouer les très grands hommes irréprochables et faire la guerre à des soi-disant barbares? Ah ben bravo, devrais-je en même temps vous supplier de pouvoir occuper la tombe que vous me prêterez? Je refuse d'être une de vos bêtes sauvages qui ira combattre à votre place tous les monstres que vous créez. Je ne serai pas de ceux et celles qui ont choisi de foncer tête baissée au cœur d'un combat qui n'est pas leur. Ou de ceux et celles qui ont cédé à la facilité d'accuser quelques pauvres gens de tout leur propre malheur. Je serai de ceux et celles qui espèrent, qui se méfient comme de la peste les extrêmes. Parce que les pires des bourreaux, ce ne sont pas les quelques tarés qui agissent, mais la masse qui les laisse faire. Là. Je veux mourir à genoux parmi les victimes, plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux. J'ai vu chaque camp, j'ai fouillé toutes les cuisines. Aujourd'hui c'est le diable exerce à tous les fourneaux. Moi qui voulais mourir à genoux parmi les victimes, plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux. Ici homme libre, recherche et cause légitime, en soutien aux victimes et qui sont les bourreaux. Je préfère mourir à genoux parmi les victimes, plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux. Le diable exerce à tous les fourneaux. Ah ben bien sûr je veux résister, mais comme je ne sais pas comment le faire, quand je me lève mon petit doigt me dit rassieds-toi. Il me dit arrête viens, remets-toi à kicker dans l'espoir d'être peut-être un jour inspiré par je ne sais quoi. Et puisque personne parmi les gens qui ont le pouvoir ne semble capable de proposer la moindre solution, je serai la voix de ceux et celles qui savent que c'est par l'esprit et non par la haine que viendra la vraie révolution. Je ne serai pas de ceux et celles qui redeviennent des primates, qui attendent l'occasion de montrer leur vrai visage, l'occasion de faire porter aux faibles toute la frustration qu'ils accumulent chaque jour, amener leur pauvre petite village. Je serai de ceux et celles qui espèrent, qui se méfient comme de la peste les extrêmes. Parce que les pires des bourreaux, ce ne sont pas les quelques tarés qui agissent, mais la masse qui les laisse faire. Ah. Je veux mourir à genoux parmi les victimes, plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux. J'ai vu chaque camp, j'ai fouillé toutes les cuisines. Aujourd'hui c'est le diable exerce à tous les fourneaux. Moi qui voulais mourir à genoux parmi les victimes, plutôt que rester vivant mais debout parmi les bourreaux. Ici homme libre, recherche et cause légitime, en soutien aux victimes et qui sont les bourreaux. Oui, j'ai fouillé chaque camp et chaque cuisine, le diable exerce à tous les fourneaux. Mais toi qui sembles toujours tout savoir, hein? Si tu sais vraiment quoi faire, dis-nous comment agir. En attendant, remets ton glaive dans son fourreau. Il n'y a pas de guerre ni de camp à choisir. Il y a partout autant de victimes que de bourreaux. Il n'y a pas de guerre ni de camp à choisir. Il y a partout autant de victimes que de bourreaux. Le diable exerce à tous les fourneaux. Radio Dio. Mourir à genoux parmi les victimes, plutôt que rester vivant mais debout parmi des bourreaux. On a la parole. Et si Polo est officiellement notre DJ rock'n'roll dans cette émission, bah les éducs de l'asile de nuit sont officiellement les DJ hip-hop, puisque Mehdi qui n'est pas là nous avait déjà passé demi-portion et je ne sais plus quoi d'autre. Et toi, tu arrives direct sur du boom-bap aussi et tu nous emmènes en Belgique là. J'aurais aussi pu mettre du rock, mais j'ai choisi du rap qui est pour moi la deuxième musique qui exprime le mieux la rage, la colère. Et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais parler de la rage, de la colère qu'on peut ressentir en tant que travailleurs sociaux. J'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure. Et voilà, moi, c'est pas exclusivement ça qui m'anime au quotidien. Hein. On a de l'espoir, on a envie d'être là pour aider, pour être présent parmi ceux qui en ont besoin, quoi. Mais je crois qu'on a besoin d'avoir de la rage aussi. On a besoin d'être en colère parce qu'en fait, on vit dans une société du mépris. On vit dans un monde du mépris et la dignité de l'être humain n'est pas, je ne sais pas si elle l'a été déjà un jour, au centre de nos préoccupations. Et c'est ça qui, m'enrage. Au quotidien, dans le travail. Ouais. Et comment on arrive à transformer ça? Parce que ce n'est pas pour ça que tu es embauchée, en fait, il paraît. Non, il paraît que ce n'est pas pour ça que je suis embauchée. Comment j'arrive à transformer ça? Grâce aux personnes que j'accompagne, qui ont une force qui m'impressionne tous les jours. Et face à eux, je dois être forte, parce que en fait, si eux, ils arrivent à trouver cette force, je me dois de la trouver moi aussi. Est-ce que c'est des choses dont on a l'occasion de parler dans le taf, quand on est éduc, justement, d'échanger là-dessus avec ses collègues, en réunion, en structure? Ou est-ce que c'est plutôt... Parce que j'imagine que t'es pas la seule du tout à ressentir ça. Non. Et c'est quelque chose qu'on garde un petit peu à l'intérieur et qu'il n'y a pas trop de place pour sortir. Eh ben, en fait, je dirais que ça dépend de la structure, ça dépend des collègues. Il y a des structures où on sent qu'on peut pas trop exprimer de choses. Généralement, les personnes qui sont en colère comme moi tiennent pas longtemps dans ce genre de structure. Aujourd'hui, là où je suis, j'ai des collègues avec qui je peux en parler. J'ai une chef de service qui est plutôt à l'écoute de ce genre de choses. Et voilà, c'est quelque chose dont on peut parler. On a des instances pour parler de ça. Malheureusement, c'est pas ça qui fait bouger les choses au quotidien. Et vous autres autour de cette table, la colère, ça vous évoque peut-être quelque chose, ce que vient de nous partager Sophia? Ben oui. Mais je vais juste en rajouter juste un petit peu. Bon, la colère aussi, la frustration de ce qu'on vit, étant aussi être dans la rue et tout ça, avec les problèmes qui suivent, tout ça. Donc c'est vrai, ça te met en colère. Parfois, tu es perdu, tu sais pas. Mais heureusement aussi qu'il y a les éducateurs comme Sophia, Mehdi et tous les autres, on ne peut pas tous les citer, qui sont là-bas, qui n'aménagent aucun effort pour aider les gens qui viennent. Souvent, c'est les gens qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont toujours là à l'écoute, conseils, orientation, tout ça, vraiment chapeau pour eux, quoi. Parce que souvent, ce qu'ils font, ça ne se voit pas. C'est vraiment, ils font un travail colossal à l'intérieur, quoi. Vraiment, moi, je lui dis un grand chapeau, quoi. Mais ce que tu dis, du coup, c'est que c'est aussi des colères qui se rencontrent, des colères de gens qui... On est dans la merde et du coup on est en colère, ouais. Et voilà, et d'autres personnes ici sont en colère et ensemble vous vivez quelque chose, mais du coup différemment, j'imagine. Ben ouais, différemment et vraiment quelque chose de bien, de fraternel, parce que des fois moi je vois des gens qui arrivent, ils sont en colère et il y a une façon, ils se comportent, mais tout le temps malgré ça, ben les éducateurs sont là aussi, ils ne prennent pas cette colère. Mais il le prend philosophiquement et puis il parle avec la personne concernée, tout ça, bien. Et c'est vraiment quelque chose de constructif, quoi. Même nous-mêmes, on apprend plein de choses à travers leur façon de faire, leur façon comment ils parlent aussi avec les gens sur certaines situations, maîtriser et parler. Vraiment, c'est formidable. Oui, j'ai l'impression qu'en effet, les travailleurs sociaux, on est des spécialistes dans accueillir la colère et être capable, en fait, de l'encaisser, de l'entendre, peut-être un peu de la transformer sur le moment, en tout cas pour pas que ça devienne non plus des explosions de violence ou des effondrements, en fait, parce que ça parle aussi de souffrance, souvent, les points de départ. Après, toujours la question, c'est qu'il y a quand même certaines choses qu'il faudrait arriver à transformer, et il reste un challenge là-dedans. Alors il y a des assos qui sont plus ou moins positionnées, plus ou moins militantes, et il y a plein de moments où, en fait, oui, les situations individuelles, elle crée des choses, mais il y a aussi des choses qui sont systémiques, qui viennent des organisations, Et c'est vrai, quand on travaille dans le social, notamment avec le public précaire, mais je crois que c'est dans tout le travail social, il y a un peu, on fonctionne avec les miettes en fait, c'est-à-dire on sait qu'il y a de l'argent qui est fait, qu'il y a des richesses qui sont accumulées, que le surplus il est partagé, mais surtout en haut, et qu'il y a un peu de surplus, le fameux ruissellement. Et en fait, nous, on a le ruisseau bien sec, c'est ça. Et tout au bout, il y a quelques petites choses. Et nous, quand ça suffit pas, on nous demande d'arriver, puis de pouvoir quand même un peu accueillir, mais parfois aussi de faire tampon. Et parfois, on se demande si c'est ça. Enfin, en tout cas, en voyant les volumes de personnes augmenter. Si à un moment, notre métier, à un moment, il va pas être contre-productif, c'est-à-dire qu'il l'empêche qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la galère. Et nous, on est spécialistes pour accueillir les gens dans la galère, l'entendre et trouver des petites solutions individuelles. Après, moi, c'est. Alors, je bascule un peu sur la conclusion, mais ce que j'aime ici, dans cet espace-là, moi, je me sens pas plus légitime que les autres à avoir la parole. Et qu'en fait, c'est un truc de groupe. Ceux qui sont là, ils ont le droit de parler et de dire ce qu'ils veulent, en fait. Et en fait, ça, dans nos structures, c'est vrai que les travailleurs sociaux, nous, on est salariés, on a un salaire, on est dans la sécurité. Tous les gens qu'on accueille ne le sont pas, quoi. Alors, on essaie, on fait de l'hébergement, alors on essaie que les règlements soient pas non plus trop coercitifs, on essaie de les bouger pour que ce soit pas une morale qui guide ça. Mais bon, après, c'est dans les espaces, un moment comme ça, où on se remet ensemble autour d'une table, où en fait, on s'écoute, quoi. Enfin, on s'écoute et surtout, on se connaît, on prend le temps de se connaître. Et on va au-delà, du coup, il y a une partie de situation individuelle. En fait, chacun, il arrive avec son paquet de pierres sur le dos. Et à des moments, l'idée, c'est peut-être de les poser ensemble et on regarde qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Peut-être qu'on les jettera, les cailloux. Ça me touche en tout cas que cette émission s'achève sans maquillage. Ça prouve qu'on est bien à la radio et pas à la télévision. Merci à vous en tout cas. Peut-être les petits mots de la fin, de salutations aux auditeurs et auditrices. Les micros sont ouverts pour encore quelques petits temps rapidement. En tout cas, j'étais bien content de vous recevoir tous et toutes ici. Merci du coup Loïc de nous avoir accueillis dans ces locaux, de nous avoir permis une première expérience pour quelques-uns là, autour de la table à la radio. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. En tout cas, très chouette expérience et j'espère que de l'autre côté ça vous a plu aussi. Merci aussi à tous ceux qui sont présents ici pour vos découvertes parce que j'avoue que je ne connaissais pas beaucoup vos morceaux, voire pas du tout pour certains. Donc des super découvertes, donc déjà merci à tout le monde pour avoir partagé un peu de vous. Et merci à Radio Dio forcément et à Loïc pour l'accueil, avoir réussi à mettre tout le monde à l'aise et d'être bien. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde, on était avec José, Aliou, Léa, Valéria, Sandy, Xavier, Polo et Sophia. C'était On a la parole, on se retrouvera dans l'année. Ah Aliou, je t'ai coupé la chic, c'est ça, tu voulais... Je voulais juste dire merci à tout le monde de ce partage qu'on a pu faire ici. Et aussi merci à tous les éducateurs et éducatrices qui aident les gens des sans-abri pour tout le travail qu'ils font. Quoi. Merci. Merci. Excellente suite des programmes. Prenez soin de vous et de vos autres, chers auditeurs et auditrices. Je vous souhaite une excellente continuation.